La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Elle est astrophysicienne et géographe du cosmos. Son métier consiste à étudier la structure de l'univers. Son nom est Hélène Courtois et ce soir, France 5 à 20h50, lui consacre un documentaire exceptionnel dans la case Science Grand Format pour vous emmener en sa compagnie pour un voyage sur les flots célestes. Un film qui a été tourné aux quatre coins du monde, là où se trouvent les plus grands télescopes, et l'occasion de comprendre comment justement se construit la carte des galaxies. Un voyage vertigineux qui va nous faire monter très loin dans le temps, la découverte de l'Aniakea, ce super amas de galaxies dont fait partie notre Voie lactée. Hélène Courtois est mon invitée dans un instant et vous pouvez nous rejoindre avec toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et on part sur les traces d'un serial killer de grenouilles et de salamandres aujourd'hui à la une de la science. Et oui, il s'appelle Chytridium, un champignon qui infecte et tue un nombre incalculable d'amphibiens dans le monde. On fait le triste bilan de 50 ans d'une invasion planétaire, bien sûr, dans un instant. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Hélène Courtois. Bonjour Mathieu. Bienvenue aujourd'hui dans la tête au carré. Je vois que vous avez un joli carnet jaune ouvert sur ce bureau et que vous écrivez activement. Qu'est-ce que vous notez dans ce carnet? Je suis très curieux, j'ai envie de tout savoir. Alors, c'est mon carnet Euclide. C'est le prochain télescope spatial que l'on va envoyer dans l'espace pour comprendre l'énergie sombre responsable de l'accélération de l'univers. Est-ce que j'étais en train de noter avec mon stylo fétiche aussi, qui permet d'avoir une super belle écriture, même quand on n'a pas une très belle écriture comme moi? C'était un peu des mots-clés dont j'avais envie de parler aux auditeurs cet après-midi, comme des fleuves de matière, les bassins versants, les télescopes dans des endroits fabuleux. Voilà, tout ce que j'avais envie de partager cet après-midi. Bon, ça nous donne déjà un aperçu de cette discussion pour vos aventures scientifiques, qu'on va découvrir donc ce soir sur France 5 avec ce documentaire réalisé par François-Xavier Vive. Voyage qui va nous faire traverser la planète dans des sites vraiment extraordinaires d'astronomie et qui commence d'ailleurs au Vaux-en-Velin. C'est d'abord le départ dans ce planétaire dont vous êtes la marraine. Oui. Pourquoi vous avez souhaité, avec François-Xavier Vive, faire démarrer le film là-bas? Alors tout à fait, c'est parce que notre envie de faire ce film, c'est une envie de partager les connaissances, les nouvelles connaissances, mais partager avec tous les publics. Et souvent, on pense qu'on ne peut pas partager avec les enfants des connaissances qui sont très très pointues, la recherche actuelle en train de se faire. Ouais. Or, j'aime montrer le contraire. Et on commence le film comme ça, avec des enfants de zone d'éducation prioritaire, où se trouve le planétarium de Vaux-en-Velin, dont je suis la marraine avec l'astronaute Michel Tonini qui est le parrain. Et on parle de l'Aniakea avec des enfants directement de l'univers à très très grande échelle et ça marche très bien, donc tout le monde peut comprendre. Voilà, l'Aniakea, donc cet amas de galaxies, ce super amas de galaxies, donc l'exercice est compliqué parce qu'il faut réussir à faire comprendre exactement ce que c'est aux enfants et c'est aussi le pari du film de ce soir. Oui, tout à fait, on commence par faire un zoom out, comme on dit, alors je ne sais pas dire en français, mais on part de la Terre, on sort du système solaire tout doucement et puis on sort de la galaxie et on arrive dans le monde dans lequel je vis, où je travaille tous les jours, le monde où les galaxies ne sont plus que des petits points, donc une échelle de millions d'années-lumière dont on fait la cartographie en mouvement, pas une cartographie statique. Et en fait, dès qu'on commence à expliquer les choses assez simplement comme ça, et bien tout le monde comprend. Et surtout, ce qu'on essaie de faire passer, c'est qu'on est des explorateurs. Mais c'est exactement ça. Voilà. Vous êtes vraiment dans la lignée des grands explorateurs qui ont, eux, découvert à la fois des océans et des continents. Sauf que vous, votre continent, il est cosmique. Voilà, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. C'est savoir où nous sommes dans l'univers. Également où l'on va, parce qu'on se déplace, notre galaxie se déplace, donc on aime bien essayer de faire passer l'image d'un univers qui est dynamique. Souvent, quand je dis « dessine-moi l'univers », à une audience, j'ai pas forcément des dessins. Et puis finalement, ce dessin, il est assez statique. Or, tout bouge dans l'univers, et c'est par le mouvement que nous, les physiciens, on comprend les phénomènes. Donc, le titre du film « Voyage sur les flots célestes », c'est parce qu'il y a cette notion de mouvement, de rivière de matière qui nous aide à comprendre de quoi est fait l'univers, où l'on va, où l'on est. Et puis en fait, quand on répond à ces deux questions, on sait aussi d'où l'on vient. Ouais. Alors pour le savoir, il faut également se balader sur notre petite planète, hein, entre Hawaï par exemple, l'Afrique du Sud ou l'Australie. Pour quelle raison d'ailleurs est-ce que vous voyagez autant ? Oui, alors pour faire une cartographie, il faut assembler des pièces de puzzle. Et chaque télescope observe un bout de la voûte céleste. Quand on est dans l'hémisphère nord, on ne voit que la moitié de l'univers. Et donc, effectivement, il faut utiliser des télescopes qui sont parfois en très haute altitude dans l'hémisphère nord, parfois en très haute altitude dans l'hémisphère sud pour couvrir toute la voûte céleste. Et puis aussi, on n'utilise pas les mêmes types de télescopes. Du coup, on doit se déplacer et ça fait partie de l'avantage du métier ou de la beauté du métier Exactement. D'astrophysicien d'avoir accès à ces sites qui sont absolument fabuleux. Et ça permet d'avoir de belles images pour faire un film qu'on verra donc ce soir sur France 5, 20h50, dans la case Science Grand Format. Et vous êtes notre invité pour en parler cet après-midi. Hélène Courtois, à tout de suite. Je suis revenu. Voilà, c'est une création pour la Une de la Science. Terminator version grenouille pour parler de l'un des pathogènes les plus meurtriers de la planète et de son terrible bilan aujourd'hui, Axel Villard. Oui, il a causé en 50 ans plus de 90 extinctions d'espèces et fragilisé plus de 500 autres. Le champignon Batrachochytrium dendrobatitis ou BD est suivi de près par les naturalistes. Alors l'année dernière, on découvrait son aire géographique d'origine et cette semaine, c'est le compte de ses exactions qui est publié dans la revue Science. Une présence mondial, des effets dévastateurs sur des centaines d'écosystèmes et un bilan qui le place en tête des espèces destructrices de biodiversité devant le rat et le chat. Et pour en parler, nous sommes avec le biologiste Claude Millot en duplex depuis les locaux de France Bleu Hérault. Bonjour. Bonjour Alex et Mathieu. Bonjour. Bonjour à votre invité, bonjour aux auditeurs. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Alors on pourrait peut-être commencer par présenter notre tueur. Quelle est l'action de ce champignon sur les populations de grenouilles une fois qu'elles sont infectées ? Alors ce champignon, il se développe sur la kératine des amphibiens, c'est-à-dire cette substance qu'on trouve dans les cellules de l'épiderme, et il la consomme, et évidemment l'amphibien va réagir, et pour les espèces sensibles, eh bien ils vont s'infecter, et progressivement l'individu va s'épuiser et il va en mourir. Donc en fonction des espèces, en fonction des populations, eh bien l'impact peut être dévastateur. On va avoir des espèces qui sont très sensibles. On peut aussi avoir ce pathogène qui présente des virulences différentes. Et puis évidemment, ces histoires d'hôtes et de pathogènes, l'hôte étant l'amphibien, le pathogène étant le champignon, sont toujours régulées par des conditions environnementales. Hein, c'est toujours un ménage à trois, l'environnement, l'hôte et le pathogène. Et il se trouve que ce champignon, dont l'aire de répartition naturelle est l'Asie du Sud-Est, a été introduit dans de nombreux écosystèmes du reste du monde, hein, sur l'ensemble des continents, et bien là, confronté à des nouveaux hôtes dans ces environnements, il provoque dans de nombreux endroits ces mortalités massives. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le responsable du désastre, c'est l'homme en fait. Alors, ce sont les activités humaines, on va le dire comme ça. Ouais. C'est vrai qu'au cours du... l'étude précédente qui avait été publiée dans la revue Science montrait l'identification de l'aire d'origine, hein, l'Asie du Sud-Est, et aussi la datation de ces introductions qui montrait que c'était le XXe siècle. Et le XXe siècle, en effet, c'est le siècle des grands échanges. Hein, et donc, ce sont en effet les amphibiens déplacés, introduits, utilisés pour la consommation humaine, utilisés dans les laboratoires de recherche. Hein, l'amphibien, c'est un organisme modèle dans beaucoup d'endroits. Puis, relâchés dans la nature, eh bien, ils ont transmis leurs pathogènes aux populations naturelles. Alors, on est bien dans le cas d'une espèce invasive, hein, oui. Puisqu'on a changé d'aire de répartition. Et le bilan qui est publié là cette semaine, il est vraiment très lourd. C'est 500 espèces impactées, 90 éteintes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu réagir avant? Puisque là, ça fait 50 ans que ça dure. Alors l'originalité de cette nouvelle étude, c'est que avant on faisait des hypothèses sur la disparition de ces espèces. On disait il y a des chances que ça soit à cause de ce pathogène, etc. Là, l'originalité de l'étude, c'est que le champignon a été décrit dans les années 90, et donc on a maintenant, pour certains endroits, 30 ans de suivi des populations d'amphibiens, dont on sait qu'elles sont impactées par le pathogène. Et on peut décrire des sortes de patrons de disparition. On sait à quel rythme, on sait quels sont les individus touchés, est-ce que c'est les jeunes, les têtards, les adultes, etc. Bref, on peut faire des sortes de modèles d'extinction en lien avec ce pathogène. Eh bien, on peut maintenant utiliser les données historiques, regarder ce qui s'est passé depuis le XXe siècle, le début du XXe siècle, pour lesquels on a des extinctions d'espèces. Et si ça ressemble aux extinctions qui sont décrites depuis 30 ans, eh bien, on y attribue la cause, le pathogène en question. Quelles sont les zones dans le monde qui sont les plus touchées par ce champignon ? Alors le champignon, il a vraiment une répartition mondiale. Dans son aire d'origine, eh bien, il a coévolué avec ses hôtes, hein, donc il ne provoque pas de mortalité massive. Par contre, dans les zones intertropicales, en particulier en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans certains endroits d'Amérique du Nord et en Australie, là, on a des endroits documentés de mortalité massive causée par ce champignon. Alors vous l'avez dit, c'est en partie les grenouilles qui voyagent, qui sont vecteurs de ce champignon. Si des passionnés d'aquariophilie nous écoutent, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer pour éviter de participer au désastre, alors si on veut donner quelques conseils? Alors déjà, la réglementation pour l'importation des grenouilles pour la consommation oblige maintenant des importations d'animaux congelés. Donc on a résolu le problème de cette manière. Oui. Concernant l'activité en effet de terrariophilie, il y a encore un commerce hein, de ces amphibiens pour animaux de compagnie, on va dire. Et donc un minimum de mesures sanitaires, c'est-à-dire éviter évidemment de relâcher les animaux dans la nature, ça c'est impératif. Éviter aussi de vider des aquariums dans la nature pour ces possibilités de transmission des phases libres hein, du champignon. Le champignon il se reproduit en ayant des spores libres et ce sont ces spores qui sont susceptibles de contaminer les autres espèces. Donc voilà, je pense qu'il y a des mesures sanitaires très simples à prendre en compte pour limiter ça. D'un autre côté, les États ont commencé à prendre des mesures. Hein. L'Amérique du Nord, par exemple, a interdit l'importation de beaucoup d'espèces d'amphibiens d'Asie du Sud-Est parce que, du fait de la présence d'un nouveau pathogène, un autre champignon qui provoque des mortalités massives de salamandres, eh bien, ils considèrent qu'il y a un risque sur ces populations de salamandres, sachant que l'Amérique du Nord est très riche en espèces de salamandres. Merci beaucoup, en tout cas, Claude Millot, pour ces précisions autour de cette triste publication hein, autour des amphibiens. Merci à vous. Et puis, Axel, on se retrouve demain. À demain. Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, l'histoire forestière des peuples d'Amazonie dans les cernes des arbres. Une équipe d'archéologues et de dendrochronologues, spécialistes donc des cernes d'arbres, confirme que les peuples du Brésil ont fortement domestiqué la grande forêt avant l'arrivée des Européens. Ils montrent notamment de fortes modifications dans la croissance des arbres à noix, type coco et palme, il y a 400 ans. Une étude qui confirme encore une fois que l'image de la forêt vierge amazonienne est largement fausse. Des chercheurs américains découvrent un organisme vivant contenant de la chlorophylle, ne pratiquant pas la photosynthèse, cette méthode utilisée par les plantes, surtout permet de convertir l'énergie du soleil en matière. Découvert dans le tube digestif de différentes espèces de corail dans le monde, ce micro-organisme intrigue beaucoup les chercheurs. En effet, la chlorophylle, pigment vert, est capable d'emmagasiner une grande quantité d'énergie. Mais pour en faire quoi? La question reste ouverte. Et puis pour terminer, un astéroïde qui s'auto-détruit à cause de sa vitesse de rotation, la NASA a repéré cette dislocation sur des clichés pris par le télescope Hubble. Gault, c'est son nom, mesure 4 km de diamètre. Il voyage à grande vitesse entre Mars et Jupiter. Il tourne sur lui-même, si vite d'ailleurs que des glissements de terrain à sa surface sont en train de le démanteler complètement. Les chercheurs expliquent que sa vitesse de rotation ne pouvant que grandir à cause des vents et de l'activité solaire, Gault est voué à s'auto-détruire. Ça vous étonne, Hélène Courtois, cette information? Ça m'étonne un petit peu parce que je trouve ça rigolo, mais ouais. Parce que j'en avais pas entendu parler, mais ça m'étonne pas du point de vue de la physique. Voilà. Je me dis que finalement, il va ressembler à une comète qui va se désagréger petit à petit. Mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça d'un astéroïde. Normalement, les astéroïdes, c'est assez compact. Ça reste... C'est pas facile à détruire. Hein, mais... Info de la semaine, en tout cas, repérée. Merci beaucoup et on se retrouve dans un instant pour parler des galaxies. C'était The Specials. La tête au carré, Mathieu Vidard. Hélène Courtois, en route pour ce voyage sur les flots célestes. Vous allez embarquer tous les téléspectateurs de France 5 hein, ce soir donc à 20h50. On va suivre vos périples d'astrophysicienne pour comprendre d'abord votre travail qui consiste à cartographier, on le disait, le cosmos et donc les galaxies en particulier. Et les auditeurs peuvent d'ailleurs nous rejoindre pour en parler avec plein de questions pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours que j'accueille une exploratrice aussi importante, enfin qu'un champ en tout cas d'action aussi large, hein, parce que c'est vrai que là, vous allez vraiment aux confins de l'univers, en fait. Ah hein. Oui, c'est vraiment mon métier, je l'aime beaucoup, j'en ferai pas d'autre. Ouais. Et puis, je suis contente ce soir de pouvoir le faire découvrir vraiment de l'intérieur. On va aller faire un tour du monde des télescopes, de ces sites, pour faire un tour du ciel, en fait, et découvrir notre environnement. Notre petit coin d'univers, comme j'aime l'appeler, qui fait un milliard d'années-lumière de côté, mais c'est le coin où qu'on habite. Et pour ça, ce film permet de rentrer dans la peau de l'astrophysicien, de l'astronome, et de voir aussi comme nous-mêmes on est émerveillés par le métier qu'on fait et puis par tout ce qu'on découvre en fait de cet univers qui est vraiment très très beau. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que des galaxies, vous en découvrez en permanence en réalité. Hein. Ah oui. C'est presque d'une banalité confondante. Oh, hein. Non. Non, ça reste c'est pas d'une banalité parce qu'elles sont toutes plus belles les unes mais que les autres. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais on n'arrive même pas à les nommer tellement elles sont nombreuses. Oui, c'est vrai. Aux enfants, je leur dis souvent ça. On n'arrive plus à donner des noms. On donne des numéros. On a des bases de données à la NASA et à Lyon. Il y a deux grandes bases de données extragalactiques de l'univers. Et c'est vrai qu'on en est à plus de 2 millions. Et puis, ça va augmenter énormément dans les années qui viennent. On attend, parce que ça se compte en milliards, les galaxies. Dans l'univers, en effet. Des milliards, peut-être des milliards de milliards même. Et observables, dans l'univers observable en plus. Moi, je me cantonne à ce petit coin d'univers observable qui fait 45 milliards d'années lumière de rayons. Mais on les connaît pas toutes. À chaque fois, vous parliez du télescope spatial Hubble là qui a fait des photos de cet astéroïde qui est en train de se disloquer. C'est grâce aux photos de ce télescope que d'un seul coup, enfin la connaissance est assez récente, qu'on sait que dans l'univers il y a des galaxies et des galaxies, et puis qu'elles sont toutes un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait repéré l'être humain. Et en fait, même s'il y a des ethnies, on se ressemble tous quand même. On n'est pas une tortue, on n'est pas un chat. Et en fait, depuis très peu de temps, depuis les années 2000, finalement, on sait que l'univers est rempli comme ça de galaxies. Alors moi, j'aime beaucoup les galaxies spirales. Je trouve qu'elles ont une texture, elles ont des couleurs. Enfin, c'est des feux d'artifice. La Voie lactée, c'est une galaxie spirale, justement. Ah oui. Alors notre galaxie, notre galaxie, c'est forcément ma chouchou. Elle est très très belle. On n'a jamais fait de photo de notre galaxie parce que ça, c'est l'exploration de l'univers. On n'est jamais sorti encore de notre système solaire. On y arrivera un jour, à votre avis. On n'est jamais sorti de notre. On est sorti de notre système solaire avec une sonde, enfin avec les deux sondes Voyager. Mais nous, les humains, on n'est jamais sorti du système solaire. Je pense qu'on arrivera à sortir, avec des sondes de la galaxie. J'espère qu'un jour on sera encore vivant, à votre avis, quand ça va se passer ou pas ? De la galaxie, j'espère, oui. Ah oui ? Oui, j'espère qu'on va réussir parce qu'il y a une nouvelle technologie avec des voiles solaires qui peuvent emmener des toutes petites sondes, très très légères, mais qui, j'espère, vont réussir à être soufflées comme ça par les vents des étoiles et qui vont voguer jusque peut-être à l'extérieur de la galaxie. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on est sorti de la galaxie, il n'y a plus d'étoiles pour... Mais il faudrait combien de temps pour effectuer cette sortie extra-galactique ? Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut atteindre 20% de la vitesse de la lumière, parce qu'à la vitesse de la lumière, on se trouve quand même... à au moins, disons, pour être large, 10 000 années-lumière de la sortie, là où on est, nous, le système solaire. Donc, il faudrait 10 000 ans. Ouais. Si on voyageait à la vitesse de la lumière, il y a des sorties plus faciles. Si on va perpendiculairement au plan de la galaxie, ce serait plus facile, mais c'est moins facile dans les orbites. Ouais. Parce qu'il faut qu'on accélère les sondes pour qu'elles sortent, même avec des voiles solaires, il faut qu'elles restent près des étoiles. Mais donc, ça va prendre un temps fou. Donc c'est vrai, vous avez raison, en fait, en y réfléchissant comme vivant. Ça. Non, mais c'est super triste, là, on va pas rester sur cette note-là. C'est ça, mais on aimerait tellement cette photo de notre galaxie. Ce que j'espère qu'on va avoir, et ça assez vite, c'est une photo du premier monde peut-être habitable le plus proche de nous, parce qu'il est seulement à 4 années-lumière. Mm-hmm. C'est l'exoplanète qui est autour de Proxima du Centaure. Ouais. Ça, c'est pas si loin. C'est donc, la porte à côté. Ouais. Voilà, donc si on arrive à faire des sondes, peut-être qu'on aura des photos comme ça déjà d'autres planètes. Ce serait sympa. Il paraît qu'il est question qu'on ait une photo direct d'un trou noir aussi très prochainement. Oui. Donc on attend ça avec beaucoup d'impatience. En fait, il faut vraiment réaliser que la connaissance elle avance à une vitesse incroyable. Plus il y a de jeunes qui font des études, qui se lancent dans ces métiers-là, et plus on est de cerveau à trouver des choses. Alors ce film, donc Voyage sur les flots célestes, ce soir sur France 5, vous l'avez co-écrit d'ailleurs avec François-Xavier Vive, son réalisateur. Alors, comment vous avez-vous imaginé, parce que vous êtes scientifique, vous n'êtes pas animatrice de télévision, donc là vous incarnez... pas encore en tout cas. Vous incarnez vraiment ce film, vous nous emmenez par la main, vous nous faites voyager absolument partout, on part faire du bateau avec vous, on part courir, on part dans les plus beaux télescopes je du monde. Je cours pas vite, hein. Mais je crois. Alors, comment vous avez voulu penser ce film avec toute la difficulté qu'il y a justement à parler des galaxies et à les montrer concrètement aux téléspectateurs? Finalement, c'était assez naturel. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis 2015, où j'avais vraiment envie de montrer par le bout de ma lorgnette à moi comment on découvre l'univers et puis qui sont les astronomes, et une façon assez optimiste, humaniste, et on est des gens comme les autres. Voilà, on court quand on est fatigué, qu'on a besoin de s'oxygéner, et parfois on est très fatigué, parfois on fait du bateau quand on rencontre des gens. Comme les navigateurs polynésiens. Enfin là, on faisait du bateau parce qu'ils m'expliquaient comment on fait de l'astronomie à la polynésienne. Ouais. Et En fait, j'avais écrit une petite maquette qui a remporté quand même le prix du festival, le prix du jury du festival du film de chercheurs, où je m'étais filmée, j'avais filmé mes collègues, et je trouvais que c'était très graphique finalement. Et puis cette histoire de faire un tour du monde pour montrer que nous, notre cartographie, on l'a fait grâce à ça, parce qu'il faut qu'on voit tout le ciel. Et ben, je l'ai présenté à une productrice, Valérie Grenon. Et qui m'a dit, mais en fait, il y a de quoi faire un film. Ça faisait 12 minutes, ma maquette. C'était filmé, ben, avec moi, avec mes yeux, ma façon de faire. Et puis, j'avais écrit une histoire. Et François Vive a réussi à le mettre dans une autre forme, plus poétique. On est rentré, donc, entre son monde artistique et puis mon monde, plus scientifique. Je pense que ce film va plaire parce qu'il est très doux, très poétique. En même temps, c'est vraiment un voyage. Ouais, vous êtes servi par des paysages absolument extraordinaire, puisqu'on commence à Hawaï, après vous en velin, hein, évidemment, oui. Hawaï, l'Afrique du Sud, l'Australie, oui. Évidemment dans des sites exceptionnels, parce que c'est là que se trouvent justement ces télescopes. On va d'ailleurs tout de suite écouter un premier extrait de ce voyage sur les flots célestes, où vous êtes à Hawaï, prête à partir justement en bateau. Hélène et Brent tiennent à retrouver Nava Napoleon, le professeur hawaïen qui leur a transmis le nom Laniakea. Il s'agit d'une île découverte par les Hawaïens. Les navigateurs nous ont expliqué comment ils trouvaient des terres et comment celles-ci sortaient des océans. Pendant qu'ils naviguaient, elles apparaissaient comme si elles sortaient de la mer et ils pouvaient alors les cartographier. C'est comme faire sortir les îles des océans. C'est vraiment ce que les voyageurs font. Longtemps avant la présence occidentale, les Polynésiens de l'archipel ont notamment développé une incroyable expertise du ciel. Il y a, à Hawaï, une étonnante correspondance entre les savoirs polynésiens et le désir d'exploration spatiale des Occidentaux. Hélène est impressionnée par les maîtres navigateurs polynésiens, ceux qui furent capables de rallier Hawaï depuis Tahiti sans instrument. Elle profite des quelques heures avant sa prochaine nuit d'observation pour aller à la rencontre d'un héritier de ces navigateurs, le skipper Nakoa Préjean. Félicitations pour cette fantastique découverte. Je trouve incroyable qu'elle soit autant en rapport avec l'océan. Les métaphores des courants et des bassins versants me permettent de mieux comprendre vos découvertes. Voilà, Hélène Courtois, hein, c'est toute cette analogie qu'on peut faire justement entre la cosmogonie, alors c'est vraiment ça, hein, c'est l'observation des populations, des cultures, et puis le travail des scientifiques. Il y a plein de points de jonction, hein, finalement. Ah oui, oui. En fait, la cosmogonie, c'est vraiment la question des origines que tout le monde, tous les humains se sont toujours posées. Et puis la cosmologie, c'est l'histoire qu'on se raconte entre l'origine et maintenant. Et les navigateurs polynésiens, leur lien à leur origine, c'est les îles, l'émergence des îles dans les océans. Donc ils ont toute une cosmogonie avec des déesses qui créent les îles. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est relié à leur façon d'appréhender le monde. Et même nous, aujourd'hui, la cosmologie qu'on enseigne à l'université ou la cosmologie que l'on dit au XXIe siècle, c'est relié à la façon dont on appréhende la physique. Donc, par exemple, quand ils disent que les îles sortent des océans, c'est parce que, en fait, c'est l'horizon, c'est un bateau qui avance, on voit émerger l'île. Mais l'île, elle est déjà là dans l'océan. Mais du coup, ils se racontent cette histoire d'un dieu maori qui pêche comme ça les îles. Et nous, finalement, avec les lois qu'on comprend aujourd'hui, qu'on ne comprend pas toutes, ben après, nous aussi, on se raconte une histoire. Par exemple, il y a un Big Bang, il y a la nucléosynthèse des atomes, et puis après, ça forme des galaxies, les étoiles vives, voilà. Donc, il faut quand même toujours... c'est une des choses qu'on a voulu mettre, toute l'équipe du film, c'est expliquer que on comprend les choses de la façon dont on les regarde aussi. Et moi, j'aime beaucoup regarder les cosmogonies, les autres cosmogonies, parce que c'est des cosmogonies humaines, c'est des façons de raconter l'univers. Et les Polynésiens, leur lien au ciel, c'est à la fois pour retrouver, c'est de la cartographie océanique, comme moi je fais de la cartographie extragalactique. Eux, ça leur permet de retrouver là où on peut manger, une île, là où on peut boire de l'eau douce, comment traverser des milliers et des milliers de kilomètres. Enfin, il faut imaginer un radeau avec quelques noix de coco, peut-être un cochon. Comment on fait pour partir de Tahiti, arriver à Hawaï? Je peux vous promettre que vous et moi, Mathieu, on se met sur un radeau, on n'y arrivera pas. Mais parce qu'ils savaient repérer les étoiles, ils mesuraient avec avec leurs mains. Donc dans le film, on a fait une animation pour expliquer comment on peut mesurer des degrés sur le ciel avec les doigts. Et puis en mettant la main dans les courants océaniques, on sent la température. Donc ils arrivaient à repérer des grands courants de surface qui allaient d'une île à une autre. Donc c'est de la physique pour moi, tout ça. Et c'est Voyage sur les flots célestes sur France 5 ce soir. On en parle dans cette tête au carré avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr. Je vins au monde, je n'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout dans les gambettes. Rue de Bagnolet, près de la rue des Pyrénées, quand je suis née. Hop là. Sur un long corps, une curieuse petite tête, une longue tige, une vraie fleur de pâquerette, le pied cambré, pas besoin d'être prophète pour deviner. Hop là, qu'à l'âge où l'on joue encore à chat perché, sur les tabourets, au bar du chat qui pêche, mes gambettes gainées de soie noire, déjà je me perchais. Hop là, je n'ai pas dansé les rondes enfantines, au bois joli sonnait les matines. À pas de loup, mais déjà sans peur du loup, à 15 ans je trottinais. J'ai pas de tête, mais j'ai des jambes qui me portent, me rapportent. J'étais en bulle, point virgule, je dégaine ma dégaine. Enfant, j'avais l'âme pieuse, et je rêvais d'être un jour une petite sœur du bon Dieu. Ben, je suis petite sœur d'amour. Venez à moi, venez donc mes frères, pourvu qu'on y croit. À chacun sa prière, Dieu m'a donné la foi et le savoir-faire, qu'il soit loué. Hop là, venez à moi, venez, Dieu vous le pardonne. Ce soir, c'est Noël, dans le cœur des hommes. Quelle est jolie la messe qu'on danse à minuit au creux de son lit. Hop là. Si vous êtes musicien, je sais la messe en ré. Si vous êtes général, je vous ferai le défilé. Si vous êtes poète, je vous réciterai la petite chanson de Verlaine. Si vous aimez les marins, je serai mousse, comme dit la chanson. Je vous ferai ça en douce. Venez mes frères, je ne suis pas cultivée, mais j'ai des connaissances. Rien dans la tête, tout en jambes. Je trottine et mutine, douce, douce, pas farouche, je dégaine ma dégaine. Quel beau métier, je suis petite sœur d'amour, infatigable, je vais de nuit et de jour. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, c'est bien connu. Hop là. Et que m'importe que ce soit le pauvre ou le riche, pour moi les hommes sont égaux, je m'en fiche. Comme c'est écrit, il faut aimer son prochain, j'aime le mien. Hop là. De mon enfance, j'ai gardé l'âme pieuse, bien sûr. Je ne suis pas vraiment religieuse, mais chaque jour auprès de vous, mes chers frères, j'égraine mon rosaire. Entrez mes frères, entrez, c'est l'heure où l'on prie. Ensemble nous aurons paradis, ensemble nous monterons au septième ciel. Hop là, hop là, hop là. Et ça fait du bien de l'entendre, la voix de Barbara avec Hop là. La tête au carré sur France Inter. Hélène Courtois, astrophysicienne et cosmographe, nous parle donc de ces galaxies chéries avec ce film Voyage sur les flots célestes que vous pourrez voir ce soir donc dans Science Grand Format 20h50 sur France 5. Vous me disiez hors antenne, moi les galaxies, ça me donne la chair de poule. Hein, Moi ça me prend aux tripes à chaque fois et je pense que c'est comme la peinture, il faut être un tout petit peu initié quand on regarde un tableau de peinture pour que ça donne des sentiments, la chair de poule. Et les galaxies, c'est un petit peu pareil. Quand on comprend ce que c'est qu'une galaxie, ça met en perspective d'un seul coup. C'est plus juste une image. Il y a une étoile, il y a des étoiles. Chaque étoile, c'est un monde. Il y a des planètes autour. Il y a peut-être tout ça, c'est les mêmes atomes que nous. Et plutôt que donner le vertige, c'est très réconfortant, je trouve. C'est du cocooning, en fait, de regarder des galaxies. Comme il y en a plein l'univers. En plus, on peut changer tout le temps, se mettre à fond d'écran qui change tous les jours. Et moi, je trouve ça très, très beau. Enfin, il y a un côté esthétique dans ce métier qui est super agréable quand même. Et ça vous émeut toujours autant ? Ah, toujours autant. Hein. Ouais. C'est vraiment... je crois que j'aime rien de mieux que regarder des galaxies. J'aime beaucoup regarder des gens, des enfants. Il y a beaucoup de choses que j'aime regarder, des paysages, tout ça. Mais regarder des galaxies, c'est quand même... Je peux m'abîmer dans la contemplation des galaxies, comme j'aime beaucoup les vagues aussi, la mer. Mm-hmm. Mais les galaxies, c'est spécial. Pour moi, c'est vivant, en fait, les galaxies. Mais c'est le cas, d'ailleurs. C'est le cas. C'est la grande nature, au fond, non ? Voilà, hein, tout à fait, ouais. Puis c'est beau, il y a une architecture. Alors, au-dessus, l'échelle au-dessus à laquelle je travaille, de l'architecture des galaxies, ça aussi, c'est très, très beau, mais c'est encore... Il faut qu'on avance encore dans l'observation pour pouvoir en faire des représentations, des cartes, pour faire partager avec le grand public. Mais en général, maintenant, les gens qui commencent à avoir l'habitude de voir ces cartes, qui elles ont que 4-5 ans, hein, les cartes dynamiques, à chaque fois me disent « mais qu'est-ce que c'est beau, ces cartes !» C'est comme des chevelures, hein. C'est absolument magnifique. Hein. Oui. Ce sont des filaments et on imagine quelque chose de très mouvant. Oui, avec notre petite voie lactée qui est là aussi, quasiment posée sur un des cheveux. Ouais, on a l'impression parfois que ces filaments de matière, c'est comme des colliers de perles avec des galaxies qui sont enfilées comme ça. Sauf qu'on sait que ça navigue. Du coup, ça représente après cette image des bassins versants. Les gens la comprennent vraiment bien. Ils voient que chaque petite rivière vient nourrir le centre du bassin versant. Et puis, au lieu que ce soit des petites feuilles d'arbres qui se promènent sur ces rivières, bah, c'est des galaxies, ces petits points lumineux qui avancent comme ça. Et nous, on est sur une... on vit dans un de ces petits points lumineux. On avance à 630 km par seconde. Ouais. Ça veut dire environ 2 millions de kilomètres heure quand même. Ouais. Sur ce filament, sur cette rivière. Et qu'est-ce qui fait bouger ces galaxies ? Alors, ce qui fait bouger ces galaxies, c'est vraiment la gravitation et l'expansion. Il y a deux phénomènes que l'on dissocie quand on fait nos observations au télescope. Ce grand mouvement d'expansion de l'univers, donc la trame de l'espace qui s'agrandit. Mais sur cette trame, il y a la gravitation, donc les masses qui s'attirent les unes les autres. Et ce mouvement de 630 km par seconde, c'est seulement la gravitation. Ouais. Donc notre galaxie avance avec toutes ses voisines dans une direction bien précise, qui a été découverte à la fin des années 90, 86 plutôt, à la fin des années 80, par Sandra Faber aux États-Unis. Et cette région, elle l'a appelée le Grand Attracteur. Ouais, c'est un nom formidable, hein. Franchement, c'est très très bien trouvé. C'est un titre de film, moi je trouve. Absolument. Et alors, c'est drôle parce que c'est ce que vous expliquez aussi à la fin du film. Il y a finalement presque cet antagonisme entre l'attraction et l'expansion. Ça paraît très contradictoire et pourtant, c'est ce qui fait le mouvement de la galaxie. Tout à fait. Il faut absolument les deux, sinon l'univers serait complètement nul, en fait. C'est-à-dire que si on n'avait que de la gravitation, toute la matière serait rassemblée en un point. Et si on n'avait que de l'expansion, il n'y aurait aucune architecture, en fait. Ça serait un brouillard de galaxies. Donc ça repose sur cet équilibre, au fond. C'est un équilibre. C'est un petit peu comme manger et faire du sport. Il nous faut les deux. Non, mais c'est vraiment ça. La gravitation, c'est la masse. C'est ce qui fait grandir les structures. Et puis l'expansion, c'est un peu le sport. Et c'est cet équilibre entre les deux qui fait qu'il y a une architecture qui est en plus très esthétique. Leur demande, puisqu'on calcule en années-lumière, comment est-ce qu'on peut être sûr que l'existence de ces milliards de galaxies soit une réalité physique encore vivante et non le reflet d'un passé ? Mais c'est une très, très bonne question de cette auditrice. Parce qu'il y a des étoiles qu'on voit et qui sont déjà mortes avec le temps que la lumière met à nous arriver. En effet. C'est pareil pour les galaxies ? Oui, il n'y a rien d'instantané dans la lumière. La lumière met une seconde pour faire 300 000 km. Quand on regarde le soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. Ouais. Parce que la lumière met 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Et quand on regarde, notre galaxie fait 100 000 années-lumière de large. Du coup, quand on regarde l'autre côté de la galaxie, c'était il y a déjà 100 000 ans que cette lumière est arrivée sur nos plaques photo. C'était il y a 100 000 ans que cette lumière est partie quand elle est arrivée sur nos plaques photo. Ce sont des CCD aujourd'hui, ce sont plus des plaques photo derrière les télescopes. Mais quand on regarde les cartes de l'univers que l'on fait, qui font donc 1 milliard d'années-lumière de côté, ça veut dire que la lumière est partie il y a 1 milliard d'années-lumière de ces galaxies. Un milliard d'années de ces galaxies, décidément. Hein. Je me suis levée à 2h30 ce matin. Il faut comprendre que la vie d'un astronome, c'est un petit peu foufou. Et du coup, c'est un peu difficile. Et ce qu'on fait, c'est qu'on corrige. Donc, pour répondre à la question de Laure, l'auditrice, on corrige ces petits décalages temporels, mais quand même, 1 milliard, c'est pas beaucoup. la planète, le Soleil, à 4,5 milliards d'années. Donc en fait, même si je suis en train de cartographier des galaxies qui sont à 1 milliard, c'est pas tant que ça par rapport à la taille de l'univers. Notre cartographie la plus précise, la plus grande, qui est sortie là au mois de janvier 2019, elle fait un petit millionième, un millionième du volume qu'il faudrait cartographier dans l'univers. On va partir en Afrique du Sud avec un extrait justement de ce documentaire, Voyage sur les flots célestes. Retrouver quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, René Crane-Kortweg. Oui, c'est vraiment une référence pour moi. C'est presque... Vous avez été son élève ? Alors, j'ai été son élève dans le sens où elle était dans le jury de ma thèse de doctorat. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement... Alors c'est quelqu'un qui a passé toute sa carrière à essayer de comprendre le grand attracteur. Donc c'est et moi c'est quand j'ai entendu parler du grand attracteur quand j'étais en classe à bac plus 5 en physique, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire cette recherche. Donc René, c'est quelqu'un qui m'a émerveillé toujours et qui m'émerveille à chaque fois que je la rencontre. On vous retrouve dans une scène en compagnie d'enfants justement en Afrique du Sud. Tout comme Hélène à l'université de Lyon, René tient à transmettre son expérience de détective du cosmos. Ils sont peu nombreux à atteindre ce niveau d'études. Pour transmettre sa passion pour l'exploration du cosmos et espérer accueillir davantage de Noirs africains au sein de l'université, René développe des partenariats avec des écoles primaires ou des centres culturels dans les townships du Cap. Où se trouve l'Afrique ? Sur la Terre. Sur la Terre, exactement. Et combien de temps met la Terre pour faire le tour du Soleil ? 12 mois, 365 jours et un quart. Exactement. Et 12 mois, c'est correct aussi. Vous savez ce qui est triste à propos des galaxies ? C'est qu'il y en a tellement que même si René et moi en connaissons plus de 2 millions, nous ne pouvons pas leur donner un nom à toutes. Nous les appelons donc par des numéros. Nous pouvons leur donner vos noms si vous voulez. Comment tu t'appelles ? MZ ? Et toi ? Cagneso ? Alors celle-ci, ça sera celle de Cagneso, ok. Et toi ? Lucona, celle-ci, c'est la tienne. Est-ce qu'il existe une galaxie, Hélène Courtois ? Non. Non, non, puis alors je crois que j'aurais pas envie parce que là, avec les enfants du bidonville de Langa, qui est un endroit qui est incroyable, qu'il faut absolument aller visiter si vous allez au Cap, parce que c'est très humain, parce qu'on essaye de faire des belles choses dans ce bidonville. Là, les enfants, pour moi, c'est des petites galaxies, ces enfants-là, et leur dire que j'avais envie de donner des noms de galaxies avec leur prénom, je le ferais volontiers. Mmh. Mon nom à moi, non. Pourquoi c'est compliqué de donner un nom à une galaxie, alors, vu qu'il y en a des milliards? Oui, on pourrait. On a le choix, par exemple, quand on a donné le nom Laniakea, en fait, on a demandé l'autorisation à l'Union Astronomique Internationale de donner un nom qu'on avait demandé au peuple hawaïen, en fait, en expliquant la signification de notre découverte. Et donc, c'est un chef hawaïen qui s'appelle Napoléon, d'ailleurs, ça fait toujours rire, mais qui est aussi professeur d'université en ethnographie. Donc, c'était vraiment la personne habilitée à nous donner un nom hawaïen. Mais on peut donner des noms. Il y a des gens qui donnent des noms, je trouve, bon, pour faire toujours plus grand, toujours plus mastoc. Ça, c'est pas trop mon style. Allez, voyage sur les flots célestes. On poursuit notre discussion dans un instant avec les messages des auditeurs. J'ai dit des choses que je pensais pas, accélérant ma mise à mort. La vie d'avant ne m'allait pas. Évidemment que j'avais tort. Téléphone-moi encore. Je promets que je ne répondrai pas. Tu changes et ça me dévore. Je ne veux pas voir ça. Transformation. mental. Tu as tenté le Minotaure. C'est déroutant comment t'en parles. Tu te transformes en château fort. Castelmore, c'était Flavien Berger. Allez, voyage sur les flots célestes, France 5, ce soir, 20h50, réalisé par François-Xavier Vif, qui a aussi signé la musique d'ailleurs, oui, Hélène Courtois, c'est vrai, vous me le rappeliez hors antenne. Oui, oui, parce que la musique qu'on vient d'écouter est très très belle, et François a co-signé la musique, et vraiment, ça apporte énormément au film, c'est une musique fantastique, moi ça me transporte, à chaque fois que je vois le film, que je vois le montage, les ruptures de rythme et de musique qui accompagnent les ruptures d'image ou de lieu, quand on va de l'Afrique du Sud, quand on va en Australie, on commence à entendre les chants aborigènes. En fait, on a filmé des aborigènes qui nous racontaient justement la cosmogonie aborigène. Et on entend ces chants et c'est fantastique en fait. C'est vraiment bien amené. Donc c'est à découvrir ce soir. Patrice nous dit, j'ai entendu dire que parfois des galaxies fusionnaient. Serait-il possible qu'une galaxie errante vienne percuter une autre galaxie? Pourquoi pas évidemment la nôtre, la Voie lactée? Séquence frisson. Ah, séquence frisson. Oui, alors c'est, bah, c'est prévu. Hein, alors c'est prévu. C'est prévu. Patrice, cet auditeur a tout à fait raison. C'est la vie des galaxies. Elles passent leur temps à se rentrer dedans, à se collisionner, à devenir plus grosse. Alors autant quand imaginons on est le scénario alors avec la nôtre. Alors la nôtre, le scénario, c'est que Andromède et la Voie lactée vont se rentrer dedans. Donc on peut commencer à imaginer. On peut lancer un concours d'ailleurs pour les auditeurs. Comment va s'appeler la future grande galaxie? Andromilka, qui sera le résultat de cette fusion. Voilà. Oui, Andromilka, voie Dromeda, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau de notre système solaire, il se passera pas grand chose parce que les galaxies sont pleines de villes. De vide, il y a énormément de distance entre deux étoiles, entre deux systèmes planétaires dans une galaxie. Donc c'est un petit peu comme si deux nuages ici sur Terre se rentrent dedans. Il ne pleut pas à chaque fois parce qu'en fait les nuages sont pleins de vide. Parfois des molécules d'eau vont se rentrer dedans. Donc effectivement ça peut arriver qu'une étoile cohésionne dans une autre, mais en général deux galaxies se rentrent dedans. Elles font une sorte de ballet cosmique qui est fantastique à regarder. On a des photos, il y a un bestiaire de photos de galaxies en collision que les internautes peuvent aller regarder sur Internet. C'est encore plus beau qu'une galaxie toute seule, à mon avis. Il y a des effets de marée, des queues, c'est magnifique. Bon, donc on peut voir ça facilement pour Patrice, qui a l'air de s'y intéresser. La seule chose qui se passera pour nous, c'est que ça va changer notre ciel étoilé, parce que nos étoiles vont se mélanger, galaxies. Ouais. Et du coup, on n'aura plus la Grande Ours, la ceinture d'Orion. Il faudra donner des nouveaux noms. Mais tout ça, ça va se passer dans quelques milliards d'années, quand même. Hein. Voilà, c'est pas tout de suite. Exactement. Quelle relation faire entre l'Aniakea et Hyperion, demande Jean-Claude sur franceinter.fr. C'est quoi Hyperion? Alors Hyperion, c'est un autre super amas qui a été découvert récemment. Il n'a pas été découvert avec la même technique que nous. Donc, il faut savoir qu'au monde, chacun développe sa propre technique d'observation de l'univers ou de méthodologie. Donc là, c'est ce qu'on appelle un redshift survey. Alors derrière ce mot anglais, c'est une méthode de mesure des distances de galaxies qui est uniquement basée sur la vitesse d'expansion. Donc, on mesure le spectre d'une galaxie et on peut les positionner. C'est des cartes statiques, c'est pas des cartes dynamiques. Mais effectivement, une équipe internationale a découvert un endroit dans l'univers où il y a vraiment beaucoup de galaxies et l'on nommé Hyperion, donc ça serait un super amas. qui est beaucoup plus loin que notre coin d'univers, hein, que ouais. l'Aniakea. Hélène Courtois, on va partir en Australie, hein, c'est la dernière étape justement de ce film, avec Tamara Davis, une consoeur à vous. Et puis justement, elle nous parle d'une technique que vous avez justement éprouvée pendant assez longtemps, c'est Starbug. Alors on va écouter l'extrait et vous nous expliquerez après de quoi il s'agit exactement. Ça marche. Avec ses 300 fibres optiques, le Taipan nous permet d'observer 300 galaxies à la fois. Avec un télescope à objectif unique, il faudrait le repositionner 300 fois pour obtenir le même résultat. Ça nous permet donc de voir plusieurs milliers de galaxies chaque nuit et d'être extrêmement efficace dans notre travail d'observation du ciel. Mais avant l'invention des Starbugs, les astronomes ont dû pratiquer des techniques beaucoup plus fastidieuses. Hélène et Tamara ont retrouvé dans les ateliers du Schmidt Télescope les principaux ancêtres des miraculeux Starbugs. D'abord, je devais sélectionner toutes les galaxies elliptiques intéressantes et les repérer sur la plaque photo avec un marqueur. Une fois les 60 galaxies sélectionnées, je fixais chaque prisme sur le plateau avec de la colle UV. Cela me prenait 3h30 juste pour une seule plaque. Oui, et au lieu de 60 galaxies, on peut maintenant en observer 300 en même temps. Et comme la reconfiguration ne prend que 5 minutes, on peut en voir plusieurs milliers en une seule nuit. Tu sais, cela m'a pris 20 ans pour cartographier le mouvement de 18 000 galaxies. Et d'ici un an et demi, Taipan devrait en cartographier 40 000. Taipan, c'est un télescope, c'est oui, ça, c'est le nom du télescope. Alors Taipan, c'est la machine qu'on a mis à l'intérieur du télescope. C'est un petit peu comme si on a fait une transplantation cardiaque. En fait, ouais. C'est vraiment, on l'a mis au point focal primaire du Donc télescope. Donc là, il y avait une description vraiment du travail à l'ancienne et des nouvelles méthodes qui font qu'on va beaucoup plus vite. Hein. Voilà. Alors les Starbugs, c'est des petites fibres qui se repositionnent toutes seules en vibrant comme ça sur des plaques de verre. Alors que à mon époque, quand j'étais jeune doctorante et que je travaillais sur ce télescope en Australie, je devais gluer une à une les fibres. Donc je mettais, c'était à l'ancienne, effectivement. Alors, il y a un autre télescope extraordinairement beau qu'on voit dans le film, qui est à Green Bank, dans l'État de Washington. Ah oui, alors celui-là, c'est mon chouchou. Dans l'État c'est l'État de Washington ? Non, c'est on après appelle Washington. Ça c'est un petit peu plus loin que Washington. On arrive en avion à Washington. Après, on doit faire de la voiture pour y arriver. C'est dans le comté de Pocahontas. Donc, c'est plus vers l'est des États-Unis, en l'occurrence. Et alors, ce télescope, il est fabuleux à regarder, c'est quasiment une œuvre d'art. Hein. Ah d'ailleurs, oui. Il y a eu des plans très très beaux autour de ce télescope, et qui d'ailleurs est menacé par la politique spatiale de Donald Trump. Hein. On c'est peut dire quelque des choses chose comme ça. D'assez hallucinant, à mon avis, parce que c'est très long à construire. Et là, au bout de 10 ans de construction, on a fini, il est complètement opérationnel, il est en plein dans sa capacité d'observation. Mmh. En plus, il sert beaucoup de sciences différentes. Et il a été menacé de fermeture d'un seul coup. À cause de coupes budgétaires, tout simplement. À cause de coupes budgétaires, alors qu'en fait, il est très économique parce que les radiotélescopes fonctionnent 24 heures sur 24 par rapport à des télescopes optiques. On observe jour et nuit. Ouais. Et en plus, c'est le plus grand radiotélescope amovible de la planète. Donc, on peut pointer quasiment dans toutes les directions. Pour les astronomes amateurs qui nous écoutent, on peut pointer de moins 38 degrés, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud, un petit bout d'hémisphère sud, à tout l'hémisphère nord. Donc, avec ce radiotélescope, je peux observer 70% de l'univers. Donc, il est bien placé, il est super performant, il est pas cher. Eh ben, voilà, il y a eu des histoires de coupes budgétaires. Et on vous voit marcher, justement, sur la coupole avec votre consoeur. C'est très, très beau. Hein, quelle vraiment, sensation. J'ai eu cette chance. On verra donc, ça ce soir. La directrice de l'observatoire m'a emmené marcher sur la coupole. Rien que d'y penser à nouveau, ça me fait des... Très, très beau plan. Philippe demande quelle est l'origine de la rotation des corps célestes. On va répondre très vite aux dernières questions. Oui, alors la rotation, c'est quasiment toujours la gravitation. Que ça soit la Terre qui tourne autour du Soleil, bah déjà la Lune qui tourne autour de la Terre, la Terre autour du Soleil, le Soleil qui a déjà fait 17 fois le tour de la galaxie depuis que le Soleil est prêt, et puis les voyages des galaxies dans l'univers, c'est la gravitation. Ben demande, quand on regarde le ciel la nuit, ce sont des galaxies, tous les points lumineux qu'on voit, ou des soleils ou des planètes? Oui, alors non, ce sont que des étoiles, quelques-unes sont des planètes. Pour repérer si c'est une planète ou une étoile, il suffit qu'elles ne scintillent pas, parce qu'en fait, elles sont plus proches de nous. C'est un peu compliqué à expliquer, mais si ça scintille pas, que c'est un point lumineux bien fixe, vous êtes presque sûr que c'est Mars ou Jupiter. Mais on peut en voir des galaxies à l'œil nu ou pas ? Des galaxies à l'œil nu, c'est assez difficile. Il y a les petits et le grand nuage de Magellan, si on était dans l'hémisphère sud, qui sont nos deux galaxies satellites. Il y a Andromède, qu'on peut voir avec une jumelle, qui est la grosse galaxie la plus proche de nous. Alors, il y a quelque chose qui me pose question, Hélène Courtois, parce que vous dites dans le film, j'ai cartographié avec mes collègues 1% de l'univers. Oui. Mais ça veut dire quoi? Parce que l'univers, il n'est pas fini. Non, 1% vous avez d'un univers fini ou infini, ça veut dire quoi? Alors c'est de l'univers observable, en fait. Ouais. C'est parce qu'on a une sorte d'horizon qui est dû d'une part à la finitude du temps, par contre, depuis le Big Bang, c'est-à-dire que l'univers à la louche à 15 milliards d'années, et il a pris 3 fois sa taille, donc on dit que la lumière a pu voyager sur 45 milliards d'années-lumière. Donc ça, c'est l'univers observable. Donc c'est pour ça que quand je dis, par exemple, si on a mesuré 1 milliard d'années-lumière, c'est 1 sur 45. D'accord. Voilà comment on fait. Mais effectivement, l'univers est peut-être infini, ça dépend des théories, et surtout, on a cet univers observable qui, en plus, est courbe, c'est-à-dire que c'est vraiment comme les navigateurs, où on a un horizon. Donc on ne peut pas voir derrière l'horizon parce que l'univers est courbe. Mais Tamara Davis, ma collègue australienne, a fait sa thèse sur un univers qui est encore plus grand que ses 45 milliards d'années-lumière et sur l'expansion de l'univers très rapide. Ça s'appelle Voyage sur les flots célestes. C'est donc ce soir 20h50 sur France 5 pour vous suivre dans toutes vos aventures. Et elles sont assez extraordinaires. On peut également lire Voyage sur les flots de galaxies. C'est publié chez Duno il y a un petit moment déjà, avec un prix que vous aviez reçu, prix Ciel et Espace du livre d'astronomie en 2017, où vous racontez également cette histoire. Et puis votre autre actualité, en une minute, Hélène Courtois, c'est avec l'astronaute Michel Tonini. Ça s'appelle Explorateur de l'espace. C'est un autre livre chez Duno, un voyage aux frontières de l'univers. Alors, à un moment où, justement, on a relancé la course à la conquête de la Lune, de Mars, les vols habités en fait, qui se relancent maintenant, c'est à l'occasion du cinquantenaire du pas de l'humanité jusqu'à la Lune. Et en fait, avec Michel Tonini, qui est vraiment un ami et puis qui est le parrain du Planétarium de Vaux-en-Velin, nous avons écrit ce livre pour faire le point un petit peu sur l'exploration par les astronautes qui se déplacent et puis sur l'exploration avec ces télescopes immobiles, mais qui sont finalement nos vaisseaux d'exploration cosmique, nous les astrophysiciens. Donc on avance tout doucement dans ce livre, comment retourner sur la Lune, quels sont les défis technologiques, Mars, sortir du système solaire, comment on pourrait imaginer passer par des warp drives, c'est-à-dire des déformations d'espace-temps pour voyager encore plus loin. Voilà, ça s'appelle Explorateur de l'espace et ça vient de paraître aux éditions Duno. Merci beaucoup Hélène Courtois. À ce soir sur France 5. Avec grand plaisir, un bon moment de douceur, d'humanité, d'optimisme. Avec la chair de poule des galaxies. Merci à Jérémy Guillon qui était aujourd'hui à la technique.